Elle a mis à août tous les chats sont gris. Au début du mois d'août, les parents sont rentrés de leurs vacances en Suisse et le travail a repris à la Muller et compagnie. La saison bat son plein, les parigots ont investi les plages goudronnées, payant au prix fort la location de cabanes de jardin. Maman rouspète. Chaque année, c'est pareil. Tu payes le double partout. Certains commerçants se fichent vraiment du monde et après on s'étonne que les gens préfèrent les grandes surfaces. Geneviève, la fille naturelle de papa, est descendue de Zurich où elle réside avec ses deux enfants. Elle loge chez des amis, se laissant inviter à droite et à gauche. Faustine savoure le comique d'une situation qui veut que Stéphane, son demi-frère, se trouve être l'oncle de deux enfants plus âgés que lui, issus de cette autre demi-sœur. Élevé à la Suisse allemande, c'est-à-dire pas du tout. Quand il n'y a pas trop à faire à l'atelier, Faustine prend congé et accompagne tout ce petit monde à la plage. Geneviève, la quarantaine peroxydée, voyante, cartomancienne par téléphone, sculptrice, artiste touche-à-tout, dilettante, est toujours entourée d'une bande de parasites prétendus amis qu'elle collectionne au gré de ses pérégrinations. Ces messieurs pleins de dévotion n'hésitent pas à proposer leurs services dans divers domaines. Réapprovisionner la troupe en glace à l'eau ou en amandes grillées, enduire les dames, mais surtout Faustine, de crème solaire, c'est la mode des seins nus, voire emmener cette dernière en balade à moto dans l'espoir de la détourner du droit chemin. Raté. Non seulement la petite se pommade toute seule, mais elle fait vite savoir qu'elle est en main. Fort heureusement, Geneviève, ne supportant aucune concurrence, se débrouille toujours pour monopoliser l'attention de son auditoire. Faustine n'a jamais connu qui que ce soit possédant un tel débit de parole. Maman lui a confié sous le sceau du secret que sa belle-fille ne s'arrête jamais, allant jusqu'à laisser la porte des toilettes entrouverte quand elle y va, afin de gloser à flux continu. Le bien nommé week-end meurtrier du 15 août cette année-là s'étend sur 3 jours. Pas de chance pour certains, il n'y aura pas de pont. C'est ce dimanche qu'on fêtera les 21 ans de Faustine au restaurant, puisque lundi tout sera fermé pour cause d'assomption. Comme elle s'y attendait, on ne lui a pas laissé le choix du resto ni de la compagnie. Mais quelle importance! Faustine, reléguée en bout de table, passe totalement inaperçue, pas la plus petite allusion à sa fête. Pourtant, la journée devrait faire date puisqu'elle est enfin majeure. Pas pour tout le monde, apparemment. Geneviève, à nouveau, envahit l'espace sonore au grand dam de maman, cette fois, qui, jalouse de ses prérogatives, a bien du mal à la supporter. Sont-elles pathétiques ces lionnes qui se disputent l'attention du mâle dominant? Faustine rit intérieurement et compte les points. Malgré tout, elle est heureuse, car demain, elle croisera peut-être Maxime à la Marina Baie des Anges. Depuis la berge, elle observera, apprenant à ses filles à piloter leur dériveur. Elle a emprunté les précieuses jumelles de papa exprès pour ça. Le lendemain, Faustine, installée sur les rochers à proximité des évolutions des apprentis navigateurs, tente d'apercevoir Maxime et les filles. Subitement, aïe ! Une pièce des jumelles tombe à l'eau. La maladroite se lamente. C'est vraiment l'histoire de sa vie. Chaque fois qu'elle touche à quelque chose de fragile, tu peux être sûr qu'à ce moment-là, précisément, elle s'ébréchera, se cassera ou se perdra. Le tourne-disque des parents, par exemple. 25 ans que le diamant n'a pas bougé. Faustine fait mine de le faire fonctionner et hop, foutu. Tout pareil avec l'aspirateur et le toaster. Les occurrences ne se comptent plus, à croire qu'un sort lui est jeté. Avec, bien entendu, les habituelles punitions, ou plutôt mesures de rétorsion, maintenant qu'elle est plus âgée. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ces jumelles Zeiss valent une fortune. Même si elles ont allègrement dépassé les 3/4 siècle. Impossible de rentrer à la maison sans la pièce manquante. Pendant que Maxime s'imagine une Faustine admirative, attentive à son investissement paternel, la pauvre est en train de fouiller désespérément le sable entre les grosses pierres. 1000 fois elle croit apercevoir la pièce fugueuse, Mille fois, la réfraction solaire l'envoie sur rien. L'après-midi arrive à son terme quand, à la 1001e tentative, sa main agrippe enfin l'objet perdu. Ouf, sauvée. Elle est tellement soulagée qu'elle en chanterait presque sur le chemin du parking. Tellement joyeuse d'avoir échappé à une longue et pénible leçon de morale sur le soin apporté aux affaires des autres, qu'elle ne se rend pas compte qu'elle va foncer dans Maxime et sa petite famille de retour de leur séance de voile. Un quart de seconde pour réagir, faire demi-tour, se mettre dans l'ombre. Le pire est évité. Alléluia! Cher Maxime qui, dans son prochain courrier, pensant qu'elle a pris des risques insensés juste pour le plaisir de l'admirer pendant des heures et le croiser deux secondes, la félicite pour sa patience et son courage. Heureusement qu'il ne la voit pas rougir. Quelques jours plus tard, il s'annonce route de la Marigarde. Il est tellement mystérieux au téléphone qu'il ne fait aucun doute qu'il cache une surprise. Et ça ne manque pas. Il sort deux énormes cartons de son coffre. Faustine déballe. Sa première platine tourne-disque. Maxime la lui installe, la branche et essaye les disques qu'il a apportés en prime. Duke Ellington, Sidney Bechet, Ella Fitzgerald. Dès qu'elle pourra se le permettre, Faustine y ajoutera Frank Sinatra, Artie Shaw, Michel Legrand, Billie Holiday, and so on. Cigarette, whisky, soirée musicale et dansante, la jeune femme ne craint plus de s'ennuyer. Le reste du temps, accaparée par Mighty Flea, son invité tromboniste qui joue tous les soirs d'août au pied bleu, Maxime a beaucoup de mal à se libérer. Faustine, qui s'ennuie de lui, le lui fait bien comprendre. Elle ne peut pas aller au pied bleu puisque Hélène y est tous les soirs aussi. Pour compenser, il décide de faire usine buissonnière. Il demande à sa jeune maîtresse de se libérer tel jour à telle heure et de se tenir prête avec un pique-nique. Il passera l'enlever. La surprise est de taille. Alors qu'ils arrivent dans le port de Cannes, un marin venu à leur rencontre leur tend une clé, celle d'un vieux bateau de pêche, un pointu, loué pour l'après-midi. Formidable! Sur la mer, personne ne pourra les croiser inopportunément, encore moins les trahir. Faustine est heureuse. Elle adore naviguer. La mer est d'huile, le soleil bien présent. Ils mettent la bouteille de listel gris au frais, sortent les sandwichs au roast beef et les tartelettes aux amandes. Quel festin! Ils l'ont à peine terminé que teuf, teuf, teuf, pshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Flûte et zut! La suite de l'après-midi, elle le passe en plein soleil, sans protection aucune, pas même un souffle de mistral, dans des odeurs de gasoil à vous donner la nausée. Le rosé n'aide pas. Elle assiste de son mieux son pauvre amour qui, les mains dans le cambouis, allons, allons, il adore ça, tente de réparer le rafio. Levant la tête inopinément, Faustine surprend au loin un couple faisant l'amour à l'abri d'une corniche. Et dire que, finalement, le moteur veut bien tout sauter, démarrer et ramener nos deux héros à bon port. Juste à temps pour éviter un retard. Sauver, une fois de plus. Pour son malheur, Faustine ne sait pas se taire. Grâce à maman qui a si bien su faire le vide autour d'elle, la jeune femme n'a aucune amie intime à laquelle confier toutes ses petites histoires. Dès lors, et pour cause, c'est dans l'oreille maternelle qu'elle déverse ses confidences, à peine censurées. Il va sans dire que maman apprécie modérément le machiavélisme de Maxime. Elle le trouve au mieux immature, au pire irresponsable et pervers. Écho que Faustine transmet fidèlement à l'intéressé qui, dans un courrier, finit par se révolter. Alors, si je divorce en détruisant une femme qui ne m'a rien fait, j'ai les couilles. Par contre, si je tente une solution moins traumatisante pour l'aménager ainsi que mes enfants, je suis un ignoble lâche, c'est ça ? Franchement, je ne comprends pas l'attitude de ta mère. Quoi qu'il en soit, tu sauras que la machine est lancée. Je vais vivre avec toi et je ne reviendrai pas sur ma décision. Si c'est trop te demander d'attendre, reprends ta liberté. Je ferai tout ce que j'avais prévu de faire et quand je serai libre, je te retrouverai. Continuant sur sa lancée. Tu sais, Faustine, les causes perdues, ça me connaît. Alors que je travaillais chez Dassault, j'ai pris des cours de pilotage. Les pilotes d'essai se faisaient un peu plus de blé et nous, on avait des prix. Sitôt que j'ai eu mon brevet, un ami m'a donné un vieux coucou en me disant que si j'arrivais à le réparer, il était à moi. Pendant des mois, sans débander, je l'ai reconstruit soir après soir dans ma cave à la lueur des bougies. Un matin, à Vélizy, j'étais prêt. J'ai actionné la manivelle, il a fonctionné et j'ai volé avec. Dans un tout autre domaine, Hélène, ma femme, était mannequin. Moi, qui ne suis pas vraiment beau, j'ai mis le temps, mais j'ai réussi à la conquérir. Mine de rien, c'était une belle victoire. Elle aurait pu avoir bien mieux, et surtout beaucoup plus riche que moi. Alors que jusqu'à présent, elle n'a fait qu'essuyer les plâtres. Je l'ai épousée, enceinte, contre l'avis de nos deux familles. C'était en mai 1968. Le jour même, nous sommes descendus dans mon avion jusqu'à Nice. J'avais 900 francs en poche et pas de boulot. Sache qu'en quelques mois, j'ai trouvé un travail qui payait bien, puis la maison du vieux Cagne, et enfin j'ai ouvert le pied bleu. À une époque où tout le monde annonçait le déclin du jazz et prédisait ma faillite. Les causes perdues, ça ne me fait plus peur. Tu seras la plus belle, Faustine, et je vais te gagner.